Yo, faut que ça pète, ça vient du 9-3. Personne peut tester, c'est un attentat. C'est un attentat. Aulnay-sous-bois. Injection verbale, première dose, fax ça au Venom. Prends ce morceau comme un avertissement, annonçant notre album. On n'est pas là pour plaisanter, mais pour représenter le 9-3. Son étendue dans toute la France présentée comme l'endroit le plus mal fréquenté. Pourtant par toi-même mon frère, t'as plus constaté qu'on s'est présenté comme il le fallait. Maintenant que c'est fait, je veux défourailler. Mais pour de bonnes raisons, on fait du son, pas juste pour braquer. Si tu comprends pas, c'est le hip-hop qu'on vient nettoyer. Le vase déborde à cause d'une goutte avec laquelle je vais te noyer. Je balance un flow aussi violent qu'une bombe peut broyer. T'inquiète, ça fait avec ma clique, on s'applique, qu'est-ce que vous croyez? Impossible de contrecarrer les forces déployées, les rixes enclenchées, la gorge des faux MC, je vais trancher. Donc tu vois que d'emblée, on réinvente le rap, tente de combler l'attente de manière puissante pour que tu la sentes bien profonde. Alors, où ennemi a mis ce qu'on fonde, on va avoir qu'un cause et de la reconnaissance dans ce monde. Lyrics enclenchés dans le business du rap, les faux pour flancher. Rabaissez vos armes, sinon on tire, le poste est branché. On en a marre de votre système archi banal. On fait des sols, monte du son avec une bombe artisanale. T'inquiète pas, c'est du lourd. Le compteur pourrait lancer deux flots synchro qui attendent que d'exploser. 5 à 3, 2, 1. Démorcé, annoncé, un missile impossible à désamorcer. J'ai connu trop de galères, la vie m'a sommé, bon, je suis pas KO. Va voir ce qui se passe là-haut, car dans ma zone, n'a refait pas de cadeau. Ici, bah, c'est le chaos, c'était pas sur le champ de bataille. T'inquiète, les psychos d'injection verbale sont hâte, les noms et pas que ça haut. C'est pas ta sape, mais bien ta plume qui ravivra ton flow. Nos frappes, on les assume, retour aux sources pour les mecs dans les halls. Moi, je veux juste m'écralper, tout ça parce que ça me botte. Ça va t'aider ton équipe, booster les vols, d'être qu'après on se rapote. Mais pour l'instant, j'abote ton rap de la tête au sabot. Et c'est le hip hop, et pose quelqu'un, mon frère, c'est moi, Corée, ça dort. Et ce même si t'en doute, parce que là tu radotes, t'es soi-disant hardcore, mais je te connais. Alors pas le dire à toi, tu veux que je te donne la recette? Non, faudra attendre que je décède de vos préceptes. J'ai un concept qui me prise comme mes soucis me précèdent. Et les secondes m'obsèdent, obsèdent, je procède à tes obsèques. Donc oublie le rap, mec, t'appartiens à une autre. Lyrics enclenchés dans le business du rap, mais faut vous flancher. Rabaissez vos armes, sinon on tire, le poste est branché. On en a marre de votre système archi banal. On fait des sols, monte du son avec une bombe artisanale. T'inquiète pas, c'est du lourd. Le contact pourrait lancer deux flots synchro qui attendent que d'exploser. 5 à 3, 2, 1. Démorcé, annoncé, un missile impossible à désamorcer. Maintenant que t'as compris que c'est baisé, qu'on a le doigt sur le détonateur, qu'on est venu là pour encaisser, car on n'est pas des donateurs. On a le niveau pour tout péter, virer du rap, les amateurs. On est nouveau mais on black up, t'es déjà dans notre collimateur. Alors bouge pas, c'est un conseil, car t'es à deux doigts d'y passer. On veut pas de fric, car on oseille. Les mecs comme toi ne peuvent s'en passer. Pourtant c'est triste de faire du son avec de sombres motivations. T'es un artiste en quête de fond, au lieu de soigner la prestation. On veut pas de ça, nous. Donc c'est notre cause, t'inquiète, ça va faire mal. Sérieux, rejoins-nous. Prends ta première dose d'injection verbale. On fait de tout, même du sensé, alors où d'autres prennent le hardcore. Nous on s'en fout, pourvu que ça pète et puis que ça mette tout le monde d'accord. Et si tu te demandes encore quelles sont nos revendications, pourquoi on se donne à fond dans le son avec autant d'implications. En clair, nous on veut que ça cartonne, comme à l'époque du bon vieux rap. On veut que ça frappe, on veut que ça donne, on veut que l'album soit dans les packs. Lyrics enclenchés dans le business du rap, et faut vous flancher. Rabaissez vos armes, sinon on tire, le poste est branché. On en a marre de votre système archi banal. On fait des sols, monte du son avec une bombe artisanale. T'inquiète pas, c'est du lourd, le contact pourrait lancer deux flots synchro. J'attends que d'exploser. 5 à 3, 2, 1. Démorcé, annoncé, un missile impossible à désamorcer. Lyrics enclenchés dans le business du rap, et faut vous flancher. Rabaissez vos armes, sinon on tire, le poste est branché. On en a marre de votre système archi banal. On fait des sols, monte du son avec une bombe artisanale. T'inquiète pas, c'est du lourd, le contact pourrait lancer deux flots synchro qui attendent que d'exploser. 5 à 3, 2, 1. Démorcé, annoncé, un missile impossible à désamorcer.